FrenchPod.com. Né en 1883, Gabriel Bonheur Chanel perdit sa mère, morte de tuberculose, à l'âge de 12 ans. Elle fut ensuite abandonnée, elle ainsi que ses deux sœurs, par son père. Elle grandit dans un couvent en Corrèze où elle apprit la couture, enseignée par les religieuses. En 1908, Gabrielle change de nom et devient Coco, chanteuse de music hall. L'année suivante, Coco Chanel ouvrit un atelier où elle put faire évoluer son esprit créatif. Elle crée et modifie des chapeaux qui plaisent aux mondaines. En 1910, grâce au fonds de son amant Boy Capel, elle s'installe au 21 rue Cambon à Paris et ouvre sa boutique de vêtements haute couture, Chanel Mode. En 1916, l'un de ses modèles est publié dans Harper's Bazaar. Cette consécration lui permet de rembourser Boy Capel et de prendre son indépendance. Tout s'enchaîne alors. Elle annexe les numéros 27, 29 et enfin 31 de la rue Cambon, où se trouve toujours la maison de couture qui porte son nom. En 1921, celle qui a dit « Une femme sans parfum est une femme sans avenir » lance le célèbre numéro 5 qui entra dans la légende grâce à Marilyn Monroe qui le portait pour dormir. Sa fameuse petite robe noire qui apparaît dans chacune de ses collections devient un classique baptisé la Ford de Chanel. Le confort, la liberté de mouvement et le modernisme caractérisent ses collections. Ainsi audacieuse, elle inventera le pantalon, le tailleur, la jupe courte, les bijoux fantaisie, libérant les femmes des contraintes que sont le jupon, le corset et réinventant le concept de féminité. Mademoiselle fut surnommée la créatrice la plus influente du XXe siècle lorsqu'elle remporta l'Oscar de la mode en 1957. Les créations de la maison étaient le reflet de la personnalité de Coco Chanel, femme indépendante, libre, moderne. Elle ne se maria d'ailleurs jamais, mais elle eut un certain nombre d'amants, dont le duc de Westminster. Son tailleur en tweed, qui fut notamment porté par Jackie Kennedy en 1963, est de nos jours encore considéré comme un symbole du chic indémodable. Le parfum Chanel numéro 5 est aujourd'hui le parfum le plus vendu dans le monde.